Le fils du fiscal par Emmanuel Gonzalez. Vous me demandez, madame, non pas un conte, non pas une chronique, mais une simple anecdote, qui vous peigne d'après nature et en peu de mots le caractère espagnol. Vous êtes las de l'Espagne d'opéra comique. Vous exigez que j'élague de mon récit les guitares, les basquines et les balcons mauresques. Vous refusez d'entrevoir le moindre menton barbu de Duègne. Vous renvoyez les avant-serrages à M. de Florian. Et vous me défendez de vous parler même du Saint-Office. Je vais donc vous dire simplement une histoire vraie, sans accompagnement de guitare et dont le dénouement s'est passé sous mes yeux. Il y a une vingtaine d'années, qu'un dimanche matin, une jeune femme, enveloppée dans sa mantille, entre dans l'église de Notre-Dame d'Atocha ou du Buisson, à Madrid, tenant par la main un petit enfant d'une rare beauté. À la vue de cet ange, un doux sourire illumine le visage de toutes les dévotes espagnoles agenouillées sur les fines nattes de jonc. Les vieilles sourient de souvenir, les jeunes señoritas par pressentiment. Impossible en effet de voir un plus joli enfant. Cheveux blonds dorés, franges de longs cils, touffus, s'entrecroisant et faisant ombre sur sa peau rose. Sous sa paupière baissée, on devinait son regard. Relevé, on voyait la cornée limpide de ses grands yeux noirs s'irisés de reflets et se moirer de couleurs chatoyantes. Ses joues rosées étaient faites de cette chair laiteuse, pleine de fossettes qui appelle le baiser. Il était à cet âge où, avec son regard vague et naïvement hardi, l'enfant tient encore de l'ange, si bien qu'on se prend involontairement à lui chercher des ailes, comme celles des cupidons joufflus ou des chérubins qui jouent de la trompette dans le ciel bleu des vieux tableaux. La mère, Donna Rosario de Solis, venez remercier la Vierge d'avoir sauvé cette chère petite âme. Le visage de cette pauvre femme était pâle. Elle avait veillé tant de nuits près du berceau de l'enfant malade. Dois-je vous dire quelle noble créature était cette Donna Rosario? Vous allez la juger. Pour sauver son père, mourant des poursuites d'un créancier féroce, elle avait épousé le créancier lui-même, Don Andrés de Solis, le fiscal. Rosario était belle d'une de ses beautés que la sculpture serait impuissante à rendre, que le pinceau du plus tendre des peintres, de Raphaël d'Urbain, eût seul pu retracer. Sa beauté, c'était le sourire de ses yeux, la sérénité de son front, la souplesse de son col de cygne. Son âme rayonnait sur ses traits et leur prêtait, par une sorte de transfiguration, son angélique beauté. Cependant, Donna Rosario, à peine entrée, s'agenouille devant la Vierge miraculeuse, étincelante de pierreries, qui berce dans ses bras un petit Jésus. L'enfant regarde de tous ses yeux un soleil qui faisait auréole sur la tête de la Madone et dont les rayons jetaient un éclat admirable. La Vierge laissait pendre à sa ceinture un grand chapelet de diamants. Plus de 100 cierges éclairaient l'autel. Le curieux petit Cristobal va ensuite examiner les parterres remplis de gazons émaillés de fleurs avec leurs fontaines, dont l'eau retombe à grand bruit, là dans des bassins d'argent, ici dans des bassins de marbre et de porphyre. Autour de ces fontaines, il voit une ceinture de gros orangers à hauteur d'homme et sur lesquels voltigent et gazouillent des oiseaux. Le parfum des jasmins efface l'odeur de l'encens. L'enfant croit voir le paradis en contemplant ces merveilles, ainsi que l'autel, le balustre et les lampes en argent massif. Tout à coup, son regard tombe sur les marches de la grille de la chapelle. Et il aperçoit une horrible pauvresse, accroupie dans ses haillons sur ses marches, et tendant vers lui, de sa main noire, ridée, décharnée, une sébile. D'abord il a peur et recule, comme fasciné par cette hideuse apparition. Mais derrière la pauvresse, il voit sourire d'un air suppliant une petite haine brune et mutine, yeux noirs pleins de feu, dents blanches, cheveux ardents et presque crépus, le tout encadré dans les lambeaux usés d'une toile grossière. Il croit voir remuer les lèvres de ce visage. Il s'approche involontairement, rassuré, curieux, et il entend ces mots dits par la vieille et plaintivement répétés par la petite aux cheveux crépus. « J'ai faim !» Il court alors vers Donna Rosario, et à son tour, tendant la main, il s'écrie « Une pauvresse, mère !» La pieuse femme le regarde en souriant et lui met une piastre dans sa petite main. « Bah, mon enfant, dit-elle, cette aumône sera douce à Dieu !» Le petit Cristobal saute de joie et s'élance vers la mendiante. Le doux hymne des orgues s'élève dans le silence et peu à peu remplit les arceaux de ses vibrations de plus en plus puissantes et bientôt formidables. Le chant des prêtres éclate à son tour et toutes les âmes s'élèvent vers Dieu avec cette harmonie secrète et se détachent de la terre. Cependant, tout à coup, au milieu de sa ferveur, il semble à Donna Rosario que la Vierge vient de serrer contre son cœur le Niño divin, avec le geste frémissant de la peur. Éblouie, émue, effarée d'un sinistre pressentiment, elle sent comme un vide autour d'elle. À ses yeux fascinés, il semble que l'église devient déserte, que cette foule agenouillée n'est qu'une foule illusoire, que ses voix qui prient se sont éteintes, que le silence se fait autour d'elle. D'où vient cette étrange hallucination? Son enfant n'est plus là. N'y a-t-il pas chez tous ceux qui aiment, et surtout chez les femmes, pour qui l'action extérieure est si nulle, une force de concentration rêveuse qui leur permet d'envelopper les êtres aimés d'une sorte d'aimant moral, propre à les avertir des dangers inconnus et des pièges invisibles? C'est comme une sorte de seconde vue, qu'on est convenu d'appeler vulgairement pressentiment. Donna Rosario se retourne vivement. D'un coup d'œil, elle a sondé tous les recoins de la chapelle. Rien. D'un bond, elle est au seuil de la chapelle et regarde. Son enfant n'est plus dans l'église. Elle s'appuie à la grille, car son cœur défaille, et elle sent ses genoux plier. Mais elle sourit et se rassure. Cristobal perdu, c'est impossible. Folie de mère, l'enfant est espiègle, il se joue de la terreur maternelle, comme lorsqu'il se cache logis dans les plis de ses mantilles. Elle va bien le gronder tout à l'heure. Cependant, sa voix est étranglée en demandant à une femme agenouillée devant elle « Avez-vous vu mon enfant ?»« Le petit au bouton d'argent, signora ?» répond la dame. « Oh, le joli enfant ! Et que vous êtes heureuse d'être sa mère ?»« Bien heureuse !» dit Rosario, les yeux égarés. Il reprend avec impatience. « L'avez-vous vu ? Où est-il ? Est-il sorti de la chapelle ? Dites, dites donc !»« Je ne sais, chère dame, mais ne parlez pas si haut. La messe n'est pas finie. » dit aigrement une autre. « On nous regarde !» ajoute la première. Mais Donna Rosario ne les écoute pas. Elle court à une Manola qui la regarde avec émotion et la secouant par le bras d'un ton bref, elle lui dit « Et vous ?» Celle-ci va lui répondre. Mais la clochette de l'enfant de cœur résonne. Tous les visages se baissent vers la terre. En vain, la pauvre Rosario reste debout, frémissante, pleine d'angoisse. Nul ne lui répond. Enfin, les gens prosternés se relèvent et la Manola compatissante dit à Rosario. Je l'ai vu rôder autour de la chaire de Saint-Sébastien avec de grands yeux étonnés. Eh bien, dit la mère, la fièvre dans le regard, je crois qu'il se sera caché dans la chaire pour vous effrayer. Rosario s'élance vers la chaire. Cette chaire de Saint-Sébastien est de velours cramoisi en broderie d'or, couverte de chagrin et garnie de clous d'or. Le tour est orné de grandes glaces et du milieu de son impériale s'élève un petit clocher rempli de clochettes d'or. Mais là non plus, la mère ne voit pas son enfant. Alors elle frissonne sous sa mantille que froissent ses doigts crispés. Elle croit sentir sa raison vaciller dans son cerveau. Mais elle se roidit contre son désespoir. Elle comprend qu'il lui faut du calme, de la présence d'esprit. Elle redevient calme. « Folle, misérable, murmure-t-elle. J'ai oublié mon enfant, je n'ai pas veillé sur lui. Je suis une mauvaise mère. Mais on me le rendra. » On s'agite, on fait tumulte dans la chapelle. Des regards irrités se tournent vers elle. Elle sort de l'église. Sur la place, elle voit danser, tournoyer, tourbillonner dans des cercles de carton doré une petite gitana aux cheveux crépus, dans lesquels brillent quelques jetons de cuivre moins ardents que ses grands yeux sauvages, à moitié couverts de loques aux couleurs criardes, rouge et bleu, cognant de ses doigts maigres un tambour de basque, chantant d'une voix enrouée et soufflée une chanson bizarre lorsqu'elle cesse de tourner pour tendre sa sébile au groupe qui s'arrondit en cercle de spectateurs autour d'elle. Un souvenir jaillit à la pensée de Donna Rosario. C'est bien là cette petite mendiante qui se cachait derrière la vieille. La mère ne les avait pas regardées, mais elle les avait vues lorsque le petit Cristobal était venu chercher la piastre. Rosario fend le cercle de soldats, d'oisifs, d'aguador. Elle se jette comme une lionne sur la petite gitana et lui crie au visage. « Est-ce toi qui as volé mon enfant ?» La gitana reste interdite, pâle, tremblante. « Voleuse d'enfants !» répète la mère. « Où est mon petit Cristobal ? Répondras-tu ? Voyons donc !» Et elle la secoue brusquement, violemment. Mais la petite reste muette. On s'écrie, on se presse autour de l'enfant. Le peuple s'émeut et menace de la lapider ou de la jeter à l'eau. On crie « À la sorcière !» Les alguazils arrivent. La gitana tombe à genoux et demande grâce. La mère implacable répète toujours « Rends-moi mon enfant. Qu'as-tu fait de mon enfant? Aie pitié de moi ou je n'aurai pas pitié de toi. » Mais la gitana ne pouvait rien dire, sinon qu'elle a obéi à la vieille mendiante qui l'a renvoyée de l'église au moment où le petit Cristobal s'approchait, en lui ordonnant d'aller l'attendre sur la place. On l'emmène en prison pour lui en rouvrir le lendemain la porte et la rejeter sur le pavé. Le pavé est son gagne-pain. Cependant, Rosario reste consterné comme une statue de la douleur, sans voir cette foule qui l'environne, qui la plaint et la regarde. Alors quelqu'un de la foule s'approche. « Señora, je vous plains, mais rassurez-vous. » « Me rassurer ? L'enfant se sera égaré. Perdu, perdu. » Quelque âme charitable l'aura ramené au logis. « Quelle idée ! Et moi qui reste là, folle ! Êtes-vous retourné chez vous, señora ? Non, j'y cours. » Quoiqu'elle tremble à la pensée de perdre son dernier espoir, de trouver son logis vide et muet, elle part résolument. Mais au même instant, quand elle se souhaite des ailes pour aller plus vite, une main de fer la retient. « Prenez garde !» lui dit-on, et aussitôt une foule de voix s'écrie « À genoux ! À genoux !» Une procession sort de l'église. Donna Rosario essaye en vain de faire quelques pas. Les voix tonnantes de tous ceux qui la plaignaient tout à l'heure redisent menaçantes « À genoux ! À genoux !» La procession défile. On porte le Saint-Sacrement à un grand d'Espagne qui se meurt. Et pour des Espagnols, en pareil cas, tout doit s'arrêter. Vengeance, justice, colère et pitié. Rosario reste immobile. « À genoux donc, devant Dieu, si vous voulez que Dieu vous rende votre enfant, » lui dit une femme du peuple. Et la pauvre mère tombe agenouillée sur la terre, le cœur mordu par l'angoisse, palpitante, comptant les minutes et les secondes. Elle regarde défiler lentement la procession silencieuse. Et dans ce silence, elle écoute comme si la voix du petit Cristobal allait résonner joyeusement à ses oreilles. Ceci, madame, est un trait caractéristique des mœurs espagnoles. Souvenez-vous que c'est en Espagne que l'étiquette défendait de toucher à la reine, même pour la sauver, lorsque son cheval emporté allait la broyer sous ses sabots ferrés d'argent. Que l'étiquette défendait à tout autre qu'à tel noble camérier d'éteindre le brasero dont la vapeur asphyxiait son roi esclave. Qu'un courtisan brûlait son palais où il avait dû donner l'hospitalité à un traître par ordre de l'empereur Charles Quint. Et qu'un jeune seigneur incendiait sa maison afin de sauver sa dame dans ses bras. Cependant, le temps passe, terrible dans sa rapidité comme l'éclair et la foudre. Donna Rosario se relève et va droit devant elle comme une idiote. Tantôt, elle regarde le ciel comme si elle cherchait une trace dans l'air. Tantôt, ses yeux sont fixés à terre comme si elle cherchait l'empreinte de deux petits pieds sur le sol. Enfin, elle arrive à son logis et le trouve vide. Là où cette douce voix retentissait, bruyante, joyeuse, étourdie, le silence morne. Au haut de l'escalier, elle rencontre son mari, Don Andrés. Deux interrogations se croisent. Où est Cristobal ? À ces doubles questions, pas de réponse. Le mari reste stupéfait de douleur. Ce fiscal était père. Il tenait à l'humanité par ce côté sacré. Les tigres aiment bien leurs petits. La mère veut descendre l'escalier et courir, Dieu sait où, dans la rue, dans les champs, dans la montagne. Mais elle tombe sur les marches, épuisée. Et sa tête se meurtrit aux ciselures de fer de la rampe. Elle se soulève un peu, la figure sanglante, et pousse Don Andrés. « Mais allez donc, mais courez donc, mais cherchez-le donc !» Le mari hébété descend l'escalier, et la mère reste évanouie sur les marches. L'enfant ne se retrouva pas. À partir de ce jour, Donna Rosario prit le deuil et ne sortit plus de chez elle que pour aller à Notre-Dame d'Atocha, dans la chapelle où elle croyait toujours voir son enfant, où elle l'avait vu pour la dernière fois. Où elle l'avait perdu, où elle espérait le retrouver un jour. Chez elle, quelle nuit sombre, plus d'enfants derrière les buissons du jardin. On donne la volée aux oiseaux de la volière. On brise la barrière toute chargée de plantes grimpantes qui entourent la pièce d'eau. Nul enfant, bruit et joie de la maison, ne peut y tomber désormais. Oh, cheveux blonds lissés avec amour, petites mains jointes pour la prière, qu'êtes-vous devenu? À cette heure, Cristobal tremble peut-être en rayon dans la poussière du chemin, sous le bâton d'un mendiant, sans pain dans son écuelle, la joue maigre et pâle, ses doux yeux ternis par les larmes. À cette pensée, le cœur de Donna Rosario se brisait. Les semaines, les mois, les années se passèrent. Le père s'était consolé. Don Andrés était un véritable homme de justice, sec, pédant, cruel et cupide. L'habitude de voir le crime de près lui avait fait un cœur de bronze. Il était le digne représentant de cette morale facile qui consiste à jeter l'anathème sur le pauvre diable qui vole un pain pour nourrir ses enfants criant la faim, et à donner une poignée de main au riche banqueroutier qui va reprendre les affaires. Pour lui, le succès justifiait toujours les moyens. Dans son métier de fiscal, il eut beau jeu pour mettre ses principes en pratique. Il fit marcher du sang, de la vie et de l'honneur de malheureux qui valaient souvent mieux que lui. Sans que ce avide, il se servit de son pouvoir pour pressurer comme une éponge toutes ces misères qui relevaient de lui. Les voleurs éhontés, qui pouvaient gonfler de piastres les poches de sa robe de fiscal, trouvèrent en lui un avocat. Les prévenus politiques seuls ne purent jamais le corrompre, ni par les prières de leurs femmes, ni par les pleurs de leur mère, ni par les sanglots de leurs filles. Les piles de quadruples même virent échouer leur éloquence en pareil cas. Sitôt un trait sur 100. Un soir, il était depuis 2 mois fiscal AX en Biscaye, un homme embossé dans son manteau, comme disent les Espagnols, entre dans sa chambre à l'improviste. Le fiscal, surpris, peut-être un peu effrayé, se lève. « Qui êtes-vous ? Qui vous a ouvert la porte de la maison ?»« Ton vieux Pérez qui m'a reconnu, » répond l'inconnu. « Auras-tu moins de mémoire que lui ?» Il ouvre son manteau, se jette dans les bras du fiscal, le serre sur sa poitrine. Don Andrés se dégage, le regarde fixement et recule blême comme un mort. « Diego Figueroa !»« Eh bien oui, Diego, le frère de ta Rosario. Mais ne perde pas de temps en surprise et en exclamation. Tu dois avoir une cachette ici. » Troublé, ému, bouleversé, Don Andrés fait cependant un signe de dénégation. « Je suis poursuivi, » continue Diego. « Il faut que tu me caches. Je suis de ceux qui ont crié vive la Constitution. » Et les partisans d'El Rey Neto ne plaisantent pas, tu sais. Il s'agit de me fusiller si l'on m'en trouve. Ce n'est pas que je craigne la mort, mais je suis jeune, j'ai encore ma mère. Et si je puis gagner les Pyrénées ? Je n'ai pas de cachette, murmure d'une voix étranglée Don Andrés. Et cela t'effraie déjà pour moi, bon frère. Mais sommes-nous fous de trembler ? Qui diable s'avisera de chercher un ami de la Constitution chez le fiscal de la province ? Et Diego se met à rire avec cette bonne humeur et cette charmante insouciance qui n'appartiennent qu'à la jeunesse. Jugez, madame, des transes de Don Andrés. Il donne son beau-frère à tous les diables. Il craint qu'on ne l'ait reconnu ou vu entrer, qu'on entende sa voix. La sueur perle à ses cheveux hérissés. Cependant, que faire ? Don Andrés balbutie et se trouble, si bien que Diego s'aperçoit de son embarras, rougit et dit sèchement : Ne croyez pas, Andrés, que je vais compromettre le mari de ma sœur. Si vous ne pouvez me recevoir, je pars. » Et le généreux jeune homme, quoique sachant bien que la mort l'attend au seuil de la maison du fiscal, reprend son manteau qu'il avait jeté sur une chaise et se dirige vers la porte sans que Don Andrés l'arrête par un seul mot. En ce moment, Dona Rosario, avertie par Pérez, se précipite dans la chambre, prend Diego par le bras et le conduit dans une de ces cages pratiquées dans l'épaisseur des murs et qui datent, en Espagne, de la domination des morts. Tout cela est fait avec la promptitude de l'éclair et sans qu'une parole soit prononcée de part et d'autre. Presque aussitôt, des coups de crosse de fusil font gémir la porte de la maison. « Ouvrez !» cria Pérez, le digne fiscal qui a retrouvé sa voix et son énergie, quoique son visage porte encore l'empreinte d'une effrayante pâleur. Lui-même descend devant des nouveaux venus. C'est un officier du régiment de Zamora, suivi de quelques soldats. L'officier salue Don Andrés et lui dit d'une voix brève « Seigneur fiscal, on a vu entrer ici un homme enveloppé d'un manteau il y a quelques minutes. C'est vrai, répond Andrés. Et cet homme a été reconnu pour Don Diego Figueroa, votre beau-frère. C'est parfaitement juste. Vous avouez, c'est bien. Ainsi, vous l'avez accueilli, vous lui avez donné l'hospitalité, je l'avoue. Vous l'avez caché, ou vous lui avez donné les moyens de fuir. N'allons pas si vite, seigneur, répond Don Andrés en relevant fièrement la tête. Auriez-vous, par hasard, quelques cousins envieux de ma place ? « Que voulez-vous dire ? » demande l'officier surpris. « Je veux dire que je connais mon devoir, seigneur, et que je n'y faillirai pas. Oui, le coupable Diego est venu chercher asile dans ma maison, mais il n'y a trouvé qu'un cachot. Oui, Don Diego est non pas caché, mais emprisonné ici. Loin de l'aider à fuir, je ne l'ai accueilli chez moi que pour le livrer à la justice. » L'officier recule épouvanté. Il n'ose en croire ses oreilles. Il ne peut penser que cette infâme trahison soit une vérité. Sans doute, Don Andrés se joue de lui et se calomnie. Mais Don Andrés le conduit lui-même à la cage où Rosario avait entraîné son frère. On l'y trouve sous un amoncellement de robes et de mantilles de la pauvre femme, derrière la ruelle de son lit, tandis qu'elle feignait de dormir, la malheureuse. Je ne vous décrirai pas cette scène. Il y a des choses que le cœur comprend et que le récit glace. Diego ne regarda pas Donna Andrés. Il releva et embrassa Rosario, qui se traînait à ses pieds et embrassait ses genoux avec des larmes et des cris convulsifs en lui demandant pardon. Et il lui dit seulement ces mots « Pauvre sœur ». Don Diego fut fusillé le lendemain. Il fixa hardiment ses yeux sur les canons de fusil braqués devant lui et commanda le feu. Il ne fut que blessé à la première décharge, blessé aux deux bras et au col. Il se releva, mit la main sur son cœur et commanda la seconde décharge en disant avec une sorte de joie naïve « Il ne bat pas plus vite ». Cette fois, il ne se releva pas. Plusieurs de ses compagnons, amis de la Constitution, traqués, désespérés, sans ressources, se réfugièrent dans les montagnes de Saint-Adrien, qui sont entre Saint-Sébastien et Galarreta, bourg de la province d'Alava, en Biscaye. Là, ils menèrent bientôt la vie de guerriers et de bandits. On les poursuivit avec beaucoup de rigueur, mais les paysans qui avaient pitié de leur détresse les protégeaient, et ils ne tardèrent pas à se rendre redoutables sous le nom de Trabucaya. On leur donnait ce nom parce qu'ils n'avaient pour armes que de vieux mousquets appelés en espagnol Trabucos. Avec ces Trabucos, ils mettaient à contribution les riches voyageurs et grâce à ces aumônes forcées, ils parvenaient à vivre et à renouveler leur haillon. Mais quand l'hiver eut rendu les communications plus rares, leur situation devint très précaire. Sur ces entrefaites, Don Andrés de Solis fut mandé en Castille par un vieil oncle avare dont il devait hériter et qui était atteint d'une maladie mortelle. Malgré le fâcheux état des routes, que les glaces et les neiges rendaient presque impraticables, il n'hésita pas à partir. Lorsque la voiture de Don Andrés se fut engagée dans les défilés de la Sierra de Sant Adrián, le fiscal se sentit involontairement envahi par un pressentiment mélancolique. Ces montagnes, couronnées de pins d'une hauteur extraordinaire, sont si escarpées que le chemin semble grimper comme un chamois pour en atteindre le sommet. Tant que la vue peut s'étendre, on ne voit que des déserts coupés de ruisseaux clairs comme du cristal. Vers le haut de la Sierra, un énorme rocher s'élève au beau milieu de la route, comme pour fermer le passage et séparer ainsi la Biscaye de la vieille Castille. Sous cette masse de pierre, je ne sais quel roi d'Espagne a fait percer une route par où passent les voyageurs et qui ne reçoit le jour qu'à la faveur des ouvertures que ferment de grandes portes. Sous cette voûte, on trouve une hôtellerie qui est abandonnée l'hiver à cause des neiges. Au sortir de la route souterraine, la voiture de Don Andrés passa devant une petite chapelle de Sant Adrián. Il se rappela avec une secrète terreur que les Trabucaires avaient, dit-on, arrêté plusieurs voyageurs aux environs de cette chapelle, voisine de la plupart des cavernes qui leur servaient de refuge et qui, de tout temps, avaient été les repères des voleurs de la contrée. À partir de la chapelle, la route commençait à descendre. La voiture n'avait pas dépassé de 50 pas la chapelle que 10 hommes, cachés au coude du chemin, dans les anfractuosités des rochers, se lèvent, le trabuco au poing, et se jettent au devant des chevaux. La voiture s'arrête, les portières sont ouvertes. « Descendez, et visage contre terre !» crie le chef de la bande, hardi jeune homme qui a un regard d'aigle. Don Andrés montre son visage blême et dit d'une voix qu'il essaye de rendre menaçante « Arrière, ladrone, je suis le fiscal Don Andrés de Solis !» À ce nom, 10 cris sauvages retentissent, 10 trabucos se tournent vers la poitrine du misérable. « Don Andrés, le demandeur de tête !» « Don Andrés l'avare, Don Andrés l'usurier !» hurlent tous les Trabucaires dont les regards le foudroient. « Mieux que cela, Don Andrés le traître !» dit d'un ton calme, mais écrasant de mépris, le jeune chef, qui détourne doucement de la main les mousquets et s'avance pour regarder curieusement la tête du fiscal. Mais aussitôt ils reculent tous deux épouvantés. Chacun d'eux retrouve les traits de son visage sur le visage de l'autre. C'est une incroyable ressemblance. Don Andrés seulement semble porter le masque ridé et décoloré de la physionomie audacieuse et fière du jeune homme. Du reste, même sourcils épais, même front large et bombé, même lèvres saillantes, même nez aquilin. « Ton nom ?» demande Don Andrés d'un son de voix guttural. « Cristobal le Trabucaire !»« Je n'en ai pas d'autre, » répond le hardi compagnon. « Mon fils !» dit Andrés en lui tendant les bras, des larmes dans les yeux, oubliant sa peur. Ne voyant plus autour de lui ni les trabucos braqués, ni les abîmes béants, ne voyant que son image vivante, jeune, fière, vaillante. Cristobal sourit, regarde ses compagnons, prend le bras de Don Andrés, le pousse sur le sol et lui crie « Face contre terre, vieux traître !» Mais le fiscal ne bouge pas. Deux larmes tombent de ses yeux sur ses joues jaunâtres et il lui répète « Tu es mon fils perdu, mon fils volé tout enfant !» Le sauvage Cristobal le regarde fixement dans les deux yeux, puis il semble réfléchir un instant en tordant gravement sa longue moustache dans ses doigts. Ensuite, il fait signe aux autres trabuquaires de s'éloigner un peu et il dit au fiscal « Prenez garde, Don Andrés. Ne croyez pas nous échapper par quelque ruse infâme. Peut-être dites-vous la vérité, car je suis en effet un enfant ramassé sur le pavé. J'ai le malheur de vous ressembler étrangement. Mais du moins, je vaux mieux que vous. Et ma mort ne déshonorera pas ma famille, si j'en ai une, tandis que votre vie a déshonoré la vôtre. Vous regrettez sans doute de retrouver un fils dans les rangs de ces misérables trabouquailles que vous traquez comme des bêtes féroces. Moi, je méprise et je hais le fiscal Don Andrés comme le Judas qui a vendu son Dieu. Votre robe de fiscal et votre or sont tachés du sang des vôtres. Rappelez-vous, Diego Figueroa. Si j'étais sûr d'être votre fils, je me briserais le front contre un de ces rochers pour expier ce malheur et ne pas supporter cette honte. Mon vrai père, c'est le contrebandier Sigaragua, qui m'a appris à me servir du trabuco et à jouer de la nabara. Cependant, je veux me conduire envers vous, comme si j'étais véritablement votre fils. » Don Andrés laisse échapper un mouvement de joie et presse la main du trabucaire. Cristobal le repousse avec calme. « Mon père, continue-t-il, une mort honorable et volontaire a suffi quelquefois pour effacer tout un passé criminel et vil. Voici un pistolet. Tuez-vous. Si nous sommes du même sang, vous comprendrez que ma proposition vous honore, et vous n'hésiterez pas. Acceptez, je vous avoue, pour mon père à la face de tous mes compagnons. » Les genoux de Don Andrés plient sous lui. Son front devient crayeux, et ses lèvres tremblent. Le farouche trabucaire hausse les épaules. « Âme de fiscal, âme de lâche, dit-il, je ne suis pas de votre indigne race. C'est bien. Vivez, vivez, dans le mépris de tous. » Mais silence sur tout ce qui vient de se passer, ne m'outragez plus en m'appelant votre fils ou je me venge aussitôt de cette insulte. « Oh, pourquoi Rosario n'est-elle pas ici ? » s'écrie le fiscal. « Vous n'oseriez pas la renier, elle. » Rosario, la sainte femme, la sœur de Diego, dit le trabucaire, l'ange lié à ce démon serait ma mère. Dites-lui, Don Andrés, qu'elle me reverra. Malheureux, vous oseriez reparaître dans une ville sans avoir obtenu votre grâce, mais ce sera la faire mourir mille fois votre mère. Quittez plutôt ces fugitifs désespérés et venez avec moi. Pour qu'on dise tel père, tel fils, n'est-ce pas ? Interrompt Cristobal avec dédain. Les traîtres, Don Andrés, ne chassent pas toujours de race. Dites à Dona Rosario qu'elle me reverra bientôt. Voilà tout. Puis il commande un geste aux trabucaires qui ont dévalisé la voiture d'y jeter le fiscal et de le laisser continuer sa route. Pour eux, ils disparaissent comme des ombres, et ce qu'il faut admirer, madame, en voyant cette obéissance dévouée au chef, c'est que ces malheureux ne parlaient au premier moment les uns que de suspendre le fiscal la tête au-dessus d'un abîme qui s'ouvrait à deux pas, noir et profond comme la gueule de l'enfer, les autres de lui clouer les pieds dans un brasero enflammé, et que le contrebandier Sigaragua proposait de lui couler de l'or dans les oreilles, puisqu'il aimait tant l'or. Dans ce péril extrême, Rosario sauva Don Andrés par la seule magie de son nom. Mais vous avez sans doute hâte, madame, de connaître le dénouement de cette terrible historiette. Moi-même, je suis pressé d'en finir avec un souvenir douloureux. L'été qui suivit la scène de la Sierra de Sant'Andrean, de grandes courses de taureaux furent annoncées à Valladolid. Vous savez la passion féroce des Espagnols pour ce genre de divertissement. On a couru de 20 lieues à la ronde. Dois-je avouer ma faiblesse ? Je fus tenté d'assister une fois à ce curieux spectacle. Je voulais voir si je serais ému ou révolté. Chose étrange que l'horrible attrait offert par toutes ces luttes, où la vie est réellement en danger, où l'adresse et la force de l'homme sont aux prises avec les instincts violents ou perfides des bêtes redoutables. Quand j'entrai dans le cirque, j'eus comme un éblouissement. Le double amphithéâtre et les loges de la place des taureaux semblaient crouler sous l'innombrable foule entassée. L'air brûlait, on respirait du feu. Je ne m'étais décidé qu'un peu tard, de sorte que je n'avais pu trouver place que sur las gradas des sols. banc exposé à l'ardeur du soleil dans le Tendido, amphithéâtre découvert où le peuple s'amoncelle. Je n'abuserai pas, madame, de ma bonne fortune de voyageur, prolonger mon récit par des descriptions pittoresques qui ont été faites mille fois. Le signal venait d'être donné par l'alcade ou le corregidor, je ne sais trop au juste. Les toreros s'étaient éparpillés dans l'arène comme une nuée d'oiseaux brillants. Un voisin complaisant m'apprit que ceux qui étaient armés d'une épée portaient le nom de matador ou espadas. Ceux qui faisaient voltiger leur manteau dans leurs mains et n'avaient pas d'autre arme à opposer à la furie des taureaux, c'étaient les capeadors. Les banderillos devaient piquer dans le cou de la baie des flèches que les Espagnols nomment banderillas. Quant aux picadors, c'étaient les combattants en cheval et armés de la lance. Tous les braves à pied portaient la montera, sorte de bonnet noir orné de rubans noirs. Mais leurs manteaux de soie éclataient au soleil des couleurs écarlates. Leurs costumes de majos étincelaient de pierreries, de paillettes d'or et d'argent, au soleil ardent. Les picadors se rangèrent le long de la barrière, non loin de la porte du toril, l'écurie où mugissent les taureaux affamés. Deux alguazils allèrent ouvrir en tremblant cette porte fatale. Un magnifique taureau de Ciudad Real, à robe fauve, se précipita dans l'arène aux applaudissements du peuple. Les alguazils s'enfuirent. Un homme, caché derrière la porte, la referma avec une promptitude merveilleuse et grimpa comme un écureuil sur le toit de l'écurie, grâce à une échelle qu'il retira aussitôt derrière lui. Les dards aigus et garnis de papier découpé auquel on mettait le feu commencèrent à pleuvoir sur le taureau à son premier bond. La morsure de ses javelots de flamme l'étourdit. Il resta un moment immobile, le regard vague, la tête basse, battant ses larges flancs de sa queue. De tous les balcons et de tous les échafauds, une grêle insolente de huées et de sarcasmes tomba sur sa lâcheté. Il n'y avait pas un enfant qui ne le menaçât du poing. Soudain, un frémissement horrible secoua tous ses membres. Cette fois, les jeunes Manolas, elles-mêmes, levèrent sur lui leurs doigts roses en signe de mépris et crièrent « Toro malo, mauvais taureau !» Les picadors s'avancèrent vers lui, il recula. Il recula devant l'épée des matadors, devant la muleta, petit drapeau rouge attaché à une baguette qu'agitaient les chulos, devant les manteaux écarlates des capeadors, comme devant les lances et les banderies. Alors ce fut une explosion de fureur parmi les spectateurs qui se levèrent tous, au gradas cubiertas como tendido, et crièrent d'une voix unanime « Les chiens, les chiens !» Les toreros se retirèrent à une autre extrémité de l'arène. Tous les yeux se tournèrent vers la loge du corregidor, qui seul pouvait accorder cette faveur au public exaspéré. Ce magistrat sourit avec bienveillance et accorda les chiens d'un signe de tête. Je remarquai dans sa loge une femme vêtue de deuil, pâle et triste, mais dont le visage conservait encore les traces d'une grande beauté. Elle semblait assister à la corrida comme une morte ou une statue. Son regard n'était pas vague mais fixe. Il contemplait quelque chose d'invisible pour tout autre qu'elle. « Connaissez-vous le nom de cette dame ? » demandai-je à mon obligeant voisin. « C'est Doña Rosario de Solis, » me répondit-il, « la femme du fiscal Don Andrés, une sainte qui fait son purgatoire sur terre, car Dieu lui a laissé son mari et a permis qu'on lui volât son fils tout enfant. Depuis ce temps, elle ne voit que lui dans sa pensée, et elle l'attend. Elle sera aussi bien dans son oratoire que dans la loge du corregidor. C'est une bonne place perdue, » ajouta-t-il avec un soupir de regret et d'envie. Un chouleau entra dans l'arène menant à l'aise deux énormes dogues. C'était un beau garçon bien découplé, aux sourcils épais, au front large, aux lèvres souriantes, au nez aquilin. Seul, peut-être, je fis attention à lui. La foule regardait les dogues, les vrais adversaires du taureau. Dès qu'ils furent à 20 pas de l'ennemi, la main du chouleau lâcha les mouchoirs passés autour de leur cou, et ils se précipitèrent avec furie sur la bête poltronne, cherchant à lui mordre les oreilles et s'y attacher. Mais le taureau avait redressé sa tête morne, et le rayonnement de ses prunelles glissait patiemment vers le chouleau, qui ne portait à sa ceinture que le cachette, sorte de poignard qui sert à frapper le terrible animal au front. Les chiens se suspendirent à ses oreilles. Il les secoua par des coups de tête terribles, les fit tournoyer comme une fronde, se fouetta furieusement les flancs de leur corps allongé. Ils ne lâchèrent pas prise, mais lui, insensible à la douleur, frappa la terre d'un pied robuste et s'enleva en l'air par un effort si épouvantable qu'il alla retomber lourdement à 2 pas du chouleau. Il attacha ses yeux livides sur la veste incarnée du malheureux et puis pencha sa tête en avant pour l'enlever sur ses cornes. Un cri s'éleva alors et s'éteignit dans le silence effrayant de la foule. Mais ce n'était pas le chulo qui l'avait jeté, car au même instant il s'élançait par un bond hardi et impétueux sur le dos de son ennemi et le saisissait témérairement par les cornes. Alors j'entendis crier avec fureur « Viva el chulo !» Les femmes secouèrent sur l'arène les parfums de leurs mouchoirs et de leurs écharpes. Je regardai la loge du corregidor. J'y vis Donna Rosario cramponnée au rebord de la loge, à demi penchée en dehors, comme folle d'enthousiasme. Et je la montrai à mon voisin en lui disant « Voyez si la femme du fiscal ne prend pas intérêt à la course. » Il jeta aussitôt un coup d'œil curieux de ce côté, mais déjà Donna Rosario s'était rejetée au fond de la loge sur un signe de son mari qui lui avait sans doute fait observer qu'elle allait attirer sur eux l'attention du public. Le chulo, lui aussi, malgré sa terrible position, tournait avidement les yeux vers la loge du corregidor et son regard avait dû se croiser avec celui de Donna Rosario. En ce moment, la lutte du brave et du taureau devenait affreuse. Ce dernier labourait la terre du pied en mugissant et faisait tourbillonner autour de lui la poussière. Ses yeux s'ensanglantaient et quand il bondissait frénétiquement avec son étrange fardeau, on eût dit d'un monstrueux centaure. Deux fois les dogues lâchèrent prise et se mirent à aboyer faiblement, ce qui est chez eux un signe de détresse. Mais sur un cri du chulo, ils s'attachèrent de nouveau à ses oreilles, quoiqu'ils fussent sanglants, meurtris, à demi-morts. Enfin, au moment où l'on croyait que le chulo allait se laisser tomber d'épuisement sur le sable, il s'enleva sur le dos du taureau comme un danseur sur une corde tendue et glissa à terre avec la rapidité d'un éclair. Le taureau se jeta de tout son élan sur la trace du chulo, traînant les dogues après lui. Ils firent une fois le tour de la lisse, puis le chulo s'arrêta résolument sous la loge du corregidor, et faisant volte-face, il tira son poignard de la ceinture et attendit, le front pâle, mais le regard fier, l'attaque du taureau. La foule applaudit. Décidément, la péripétie approche. Les deux dogues viennent rouler, éventrés, aux pieds du jeune homme, et le jettent en gémissant comme un dernier regard de reproche. Sans doute, le chulo était leur maître. Il frissonne en les voyant mourir, disloqué et rompu. « Il a peur !» s'écrient déjà quelques voix. Mais le chulo sourit et fait un pas vers le taureau qui arrive sur lui plus lentement et avec une hésitation visible. Nul doute que son court poignard ne se plante dans un instant entre les deux cornes, à la suture des os, endroit très délicat, mais large tout au plus comme un réal. Le taureau est condamné d'avance. En ce moment, une certaine agitation se manifeste aux portes des barrières parmi les volontaires royaux qui les gardent. Deux hommes noirs entrent dans la loge du corregidor, qui s'émeut, se lève et parle vivement au fiscal. Don Andrés se trouble. Déjà quelques mots courent dans la foule comme l'étincelle qui va faire jaillir un incendie. J'entends résonner les mots de proscrit, de trabucaire, de chulo. Au même instant, une femme se dresse debout dans la loge, se penche, l'œil ardent et fixe sur la reine, étendant sa main avec un geste impérieux vers la reine, crie au jeune torero d'une voix qui n'avait plus rien d'humain. « Muere, chulo ! Meurs, chulo !» Le jeune homme lève les yeux vers la loge, s'incline comme s'inclina un fils sous la bénédiction d'une mère. Il jette dédaigneusement le cachette, sa seule arme, au front du taureau, et désarmé, les bras croisés sur sa poitrine, le regard toujours fixé avec une douceur et une effusion sereine sur Donna Rosario, car c'était elle, attend le coup de grâce, quoique la laine enflammée du taureau baignait déjà son visage. Le formidable animal secouait la crinière de Bronnerie dont son cou était hérissé, et enlevant le pauvre diable, le fit sauter à 20 pieds en l'air 3 ou 4 fois de suite. Il prenait plaisir à sa vengeance. Pendant l'entracte, j'appris que le chulo n'était autre que le trabucaire Cristobal, le fils de Don Andrés. Il avait été trahi par un banderillo qui lui avait facilité l'honneur de paraître à la corrida. La justice, avertie, devait le faire saisir à la sortie de l'arène. Donna Rosario n'avait pas voulu que son enfant fût déshonoré, et lui avait ordonné de mourir au milieu de son triomphe. Cristobal, digne de ce grand cœur, avait obéi. Cet incident me laissa une impression pénible, et je ne me sentis pas la force d'assister à la corrida qui débutait si singulièrement. Je me retirai et cédai ma place à un pauvre agador, amateur passionné, qui n'ayant pu payer pour rentrer, restait aux portes du cirque afin de voir passer les cours des chevaux et des taureaux tués à mesure que les mules les enlevaient et les traînaient sur le sable au matadero ou charnier. Donna Rosario de Solis et son mari ne quittèrent la loge du corregidor qu'à la fin de la course. La pauvre femme s'enferma dans son oratoire et y mourut 2 mois après, victime des macérations et des jeûnes excessifs qu'elle s'imposa pour expier ce qu'elle appelait le crime de son orgueil. Don Andrés a conservé sa place. Il laissera ses neveux, les fils de Diego Figueroa, une immense fortune, car il ne s'est pas remarié. Ainsi s'achève Le fils du fiscal, par Emmanuel González.